Maintenant, prenons un peu de temps pour apprendre à dire l'heure en espagnol. Il faut utiliser le verbe ser qui donne es, son au présent ou era, eran au passé. Si vous voulez dire il est une heure, vous emploierez es la una. Es pour il est, mais lorsque le chiffre est supérieur à 1, on emploie son, littéralement ils sont. Ensuite, on emploie toujours la devant una et las devant les autres chiffres. Paradoxalement, quand on donne l'heure, on ne traduit jamais le mot heure. On a donc es la una, il est une heure. Au passé, on aura era la una. Dites-moi alors, il est deux heures. Son las dos. Son las dos. Si 5 se dit cinco, C-I-N-C-O, traduisez-moi, il était 5 heures quand il est arrivé. Eran las cinco cuando llegó. Eran las cinco cuando llegó. On a eran car on parle du passé et le chiffre qui suit est au pluriel. On a las car le chiffre indiqué est supérieur à 1. Maintenant, si vous voulez dire écart, vous emploierez y cuarto. Y, plus loin, cuarto, C-U-A-R-T-O. Il est 4h15, se dira par exemple, son las cuatro y cuarto. Faites attention à la prononciation de cuatro et cuarto. Ce n'est pas la même chose. Et demi se dit y media. Y, plus loin, media, M-E-D-I-A. Donc, comment direz-vous « il est 5h30 » Son las cinco y media. Son las cinco y media. Il faut donc « son » avec « cinco » mettre « las » devant ce même chiffre et ne pas traduire « heure » et le tour est joué. En utilisant « para », comment diriez-vous « nous devons revenir pour 6h30 » Tenemos que volver para las 6:30. Tenemos que volver para las 6:30. Il fallait ici aussi utiliser las devant 6 et ne pas traduire heure. Et si vous voulez dire moins le quart, vous emploierez menos cuarto. Attention, le petit mot le ne se traduit pas en espagnol. Il était 7h moins le quart, se dira par exemple eran las siete menos cuarto. Pour moins 10, on a la même chose en espagnol, menos 10. Par contre, 6h20 se dit littéralement 6 et 20, las 6 y 20. Il faut bien utiliser le petit i, las 6 y 20, 6h20. En espagnol, on précise de la mañana, le matin, de la tarde, l'après-midi, ou de la noche, du soir. On utilise de la tarde jusqu'au coucher du soleil, donc jusqu'à 7-8 heures du soir selon les saisons. De la noche s'emploie quand il fait nuit noire. Dites maintenant, en utilisant de la noche pour du soir, il était 10 heures moins le quart du soir quand Carlos est arrivé. Attention à 10 heures moins le quart. Eran las 10 menos cuarto de la noche cuando Carlos llegó. Eran las 10 menos cuarto de la noche cuando Carlos llegó. On dit bien menos cuarto pour moins le quart. Notez que dans de nombreux pays d'Amérique latine, on utilise para pour dire moins. L'ordre des mots est alors inversé. On donne d'abord les minutes, puis les heures. Son 10 para las 5. Il est 10 heures moins 10. Dites enfin, il était 11h20 quand j'ai terminé d'étudier. Eran las 11:20 cuando terminé de estudiar. Eran las 11:20 cuando terminé de estudiar. N'oubliez pas le petit i, le y. Eran las 11:20. Et si vous voulez savoir quelle heure il est, demandez ¿Qué hora es? Vous pouvez maintenant comprendre la réponse que l'on vous donne.